Peur des hommes, peur de moi, la peur de moi, la peur des hommes. Peur de moi, peur des hommes, la peur de moi. Peur de moi, peur des hommes, tu as. T'as peur de moi, t'as peur des hommes, qu'est-ce que je t'ai fait moi? C'est pas moi la faute, c'est pas moi. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, moi. C'est les autres, c'est les autres qui ont fait ça. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est les autres qui ont fait ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Peur des hommes, peur de moi, mais c'est pas moi qui t'ai fait ça. C'est pas moi qui t'ai fait du mal, c'est pas moi qui t'ai fait du mal. Non, pas moi qui t'ai fait ça. On ne confond pas, mais t'as peur des hommes, peur de moi. Tu crois qu'ils sont tous comme ça, qu'on est tous comme ça, mais non, mais non. C'est pour ça que t'es si froide avec moi. C'est pour ça que t'es loin de moi. Plus je m'approche, plus tu t'éloignes. C'est comme ça. Est-ce que c'est les autres qui t'ont fait ça? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est les autres qui t'ont fait ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Ne confonds pas, mais. Mais un peu je te confonds avec moi. Pour que tu n'aies plus peur de moi. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. T'es réfractaire à tout ça. Alors tu restes dans ton monde. Tu restes dans ton monde planqué là-bas. Caché. T'as peur de tout. Peur de moi. Peur de tout ça. Peur des gens. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Tu ne veux pas. Tu restes là-bas. Reste là-bas alors, qu'est-ce que tu veux si tu veux pas? Continue avec ton armure, continue à te planquer là-bas. Et puis voilà, continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je sais, mais si tu veux pas. Je peux plus rien pour toi, plus rien pour toi. Si un jour. Je décide de vouloir de faire confiance un peu à quelqu'un. Oh, peut-être que je serai là, peut-être que je serai là, mais je vais pas attendre tout le temps, je vais pas attendre trop longtemps non plus. Je te décide de vouloir essayer. Faudrait juste essayer pour voir si t'as peur de moi vraiment. Alors, s'il faut que j'abandonne, j'abandonnerai. te retrouveras toute seule au milieu de ta vie paumée, au milieu de la vie paumée, tu resteras seule dans petit chez toi, toute seule dans ta vie paumée. C'est pas moi qui te fais ça, c'est pas moi, méchant, c'est pas moi. T'es tout le temps contre moi, m'engueuler comme ça, pour rien, pour n'importe quoi. Alors bien sûr, faut que je me défende, moi aussi, tu vois. Tu vois, parce que je comprends pas pourquoi. C'est tout en moi le problème, alors qu'en fait, ça vient de toi. De ton passé, le passé, le passé, et ne reviens pas, mais le futur ne t'engage, n'engage que toi, pour vouloir changer tout ça. Alors tu fais comme tu veux, pas tout, je vais pas te forcer, pas tout, je peux pas te forcer. Tu veux pas, c'est dommage. Dommage. Pour qui? Pour moi ou pour toi? Pour les deux, peut-être, je crois. Pour qui? Pour toi ou pour moi?